إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Vous n'êtes pas sans savoir, mes frères et sœurs, que l'éminent savant de l'islam, l'érudit Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, et pour ceux qui ne le connaissent pas, cette conférence sera une occasion pour eux de connaître l'un des grands savants de ce siècle, rahimahullah. Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, fait partie de ces savants qui sont la cible particulière des gens de l'innovation et des gens de la passion. Car il a été, rahimahullah, l'un des premiers à leur avoir fait face, l'un des premiers à démontrer leur ruse, leur stratagème, leur côté mauvais et répugnant. Il était, rahimahullah ta'ala, envers la jeunesse musulmane comme un père envers son jeune enfant, qui ne manque jamais de lui prodiguer les meilleurs conseils. Mais ainsi et la sunna d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs. Il les éprouve, subhanahu wa ta'ala. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Allah Azza wa Jal dit, أَلِفْ لَامْ مِيمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. أَلِفْ لَامْ مِيمْ. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver. Parmi ces épreuves qui ont touché Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, il y a les attaques des gens de l'innovation à son encontre et leur désir farouche de le décrédibiliser en utilisant n'importe quel moyen, et on le verra par la suite. Car chez ces gens-là, la fin justifie les moyens. Ils ont utilisé contre lui, rahimahullah, le mensonge, la calomnie, la falsification, les insultes, et énumèrent ainsi de suite toutes sortes de procédés diaboliques, wal'iyadu billah. Et les gens de l'innovation ne cessent jusqu'à nos jours. Les menteurs et les calomniateurs tentent aujourd'hui encore de s'en prendre à l'honneur de cet éminent savant, rahimahullah, 20 ans après sa mort. Nous passons directement aux choses sérieuses et nous commençons par une brève biographie du grand savant Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. Et vous allez voir, lorsque l'on va parler de sa biographie, qu'elle est incomparable à celle de cet individu. Son nom, rahimahullah, est Muhammad Aman ibn Ali al-Jami, rahimahullah ta'ala. Sa kunya est Abu Ahmed. Son pays d'origine est l'Éthiopie. Il était originaire, rahimahullah, plus précisément, du village appelé Tarat-Tab. Il est né, rahimahullah, en l'an 1349, correspondant à l'année 1930 grégorienne. Le cheikh, rahimahullah, a grandi dans ce village appelé Tarat-Tab, dans lequel il a mémorisé le Coran dans sa totalité. Il a ensuite étudié la langue arabe, ainsi que les livres traitant de la jurisprudence chafi'ite, comme cela était à l'accoutumée dans les pays d'Afrique et d'autres d'ailleurs. Les gens étudient et étudiaient les livres de fiqh du madhhab le plus répandu dans leur pays. Puis il a quitté, rahimahullah, son village pour se rendre dans un autre village dans lequel il a appris de nombreuses sciences, dans lequel également il rencontrera celui qui sera son compagnon dans l'apprentissage et dans son voyage par la suite vers l'Arabie. Tous deux, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, et son compagnon, avaient l'immense envie de se rendre à la Mecque pour y accomplir le pèlerinage et pour y apprendre la science islamique. Ils ont quitté l'Éthiopie en direction de la Somalie. Ils ont ensuite traversé la mer en bateau pour rejoindre la ville de Aden au Yémen. Une traversée qui n'était pas sans encombre ni sans péril. Une fois arrivés à Aden, ils ont pris la marche en direction de Al-Hudaydah, qui est distante de Aden, et ouvrez bien vos oreilles, d'à peu près 430 kilomètres. Ils sont arrivés à la ville de Al-Hudaydah, dans laquelle ils ont jeûné l'ensemble du mois du Ramadan. Puis de Al-Hudaydah au Yémen, ils ont pris la marche en direction de la ville Samita, qui est éloignée de Al-Hudaydah de 230 kilomètres. Et leur chemin continua ainsi jusqu'à la Mecque, qui se trouvait 850 kilomètres plus loin. Ils ont parcouru, rahimahum Allah, entre la Mecque et Aden, près de 1500 kilomètres à pied, dans le but d'accomplir le pèlerinage et dans le but d'apprendre la science religieuse. Après avoir accompli son pèlerinage, rahimahullah, en cette année 1369, il avait donc 20 ans. Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, entame son apprentissage de la science dans l'enceinte même de la mosquée sacrée de la Mecque. Il y a profité là-bas des cours de l'éminent savant Cheikh Mohamed Abdullah al-Soumali, un grand savant du hadith de la Mecque, qui était enseignant dans la mosquée sacrée de la Mecque et qui était également enseignant à Dar al-Hadith de la Mecque. Parmi les élèves les plus connus de Cheikh Mohamed Abdullah al-Soumali, rahimahullah, bien sûr, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, mais également Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, qui avait décrit son Cheikh Mohamed Abdullah al-Soumali comme étant le plus savant dans la science du hadith de toute la péninsule arabique. Parmi également les élèves de ce grand cheikh, il y a cheikh Yahya ibn Uthman al-Mudarris, qui est toujours vivant de nos jours et qui est toujours enseignant dans la mosquée sacrée de la Mecque. Parmi ses élèves également, Cheikh Mohamed al-Soubeil, rahimahullah ta'ala, l'imam de la Mecque, qui est décédé il y a quelques années. Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, a accompagné Cheikh Ibn Baz lors de son voyage à Riyad, lorsque l'institut scientifique Al-Ma'had Al-Ilmi a ouvert dans les débuts des années 1370 égyriennes, correspondant à peu près aux années 1950. Parmi les camarades de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, dans cet institut à Riyad, il y avait l'actuel muhaddith de Médine, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala. Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, a donc énormément profité des différentes assises de science qu'il y avait à Riyad. Il a pris la science du mufti de l'époque, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim Al-Sheikh. Il a également profité de l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman Al-Ifriqi, rahimahullah, un grand savant de Médine qui était d'origine malienne, rahimahullah, qui était à la fois enseignant dans la mosquée sacrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était également enseignant à l'université islamique de Riyad. Cheikh Mohamed Aman a étudié également auprès de Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah, et Cheikh Hamad Al-Ansari, rahimahullah ta'ala, deux éminents savants de ce siècle, dont Allah Azza wa Jal m'a permis de faire la biographie audio, qui sont toutes deux disponibles dans le site lavoidroite.com. Il a été également l'élève de Cheikh Abdurrazzaq Al-Afifi, rahimahullah, un grand savant égyptien qui faisait partie des grands savants d'Arabie, et c'était le bras droit de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et dans les fatwas de l'Ajna Daima, vous verrez souvent son nom qui apparaît, rahimahullah ta'ala. Parmi ses chouyours, Cheikh Mohamed Khalil Harras, rahimahullah ta'ala, un autre savant d'origine égyptienne qui a enseigné à l'université de Riyad, mais aussi à l'université de la Mecque. Puis il est retourné, rahimahullah, en Égypte. Et ce Cheikh Mohamed Khalil Harras, rahimahullah, a lui aussi beaucoup été éprouvé par les soufis et par les gens de l'innovation, car il condamnait leurs égarements avec force, rahimahullah. Il a même été victime à plusieurs reprises de tentatives d'assassinat. Ainsi était Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah. Il a profité et étudié auprès des plus grands savants de notre époque. Et ses camarades à l'université islamique de Riyad n'étaient autres que Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Salih Al-Luhaydan, deux éminents savants toujours vivant à notre époque, et qu'Allah les préserve. Certaines de ses qualités, rahimahullah, il conseillait beaucoup. Il a consacré sa vie à l'enseignement de la croyance des pieux prédécesseurs. Il a enseigné la croyance pendant près de 40 années, rahimahullah. Ceci à travers ses cours, ses ouvrages, ses conférences et ses réponses à ceux qui contredisaient le Coran et la Sunna. Il occupait tout son temps, rahimahullah. Il quittait son domicile pour se rendre à l'université islamique de Médine, dont il était le doyen de la faculté de hadith. Et c'était aussi, rahimahullah, le président de la branche al-aqida fi dirasat al-ulya, dans les études supérieures. Puis il retournait chez lui, rahimahullah, pour ensuite se rendre à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour y donner cours après la prière de l'Asr, après la prière de l'Maghrib, après la prière de l'Isha et après la prière de l'Fajr. Il faisait ainsi, rahimahullah, jusqu'à ce que sa maladie l'ait contraint à s'aliter. Il préservait sa langue et détestait la médisance. Il ne permettait à personne de médire en sa présence, rahimahullah. Lorsque certains étudiants en sciences religieuses commettaient des erreurs, ils demandaient tout d'abord l'audio ou le livre afin d'écouter et de voir si l'erreur était avérée. Il conseillait directement l'intéressé, rahimahullah. Il était clément et pardonneur. Il était victime, rahimahullah, comme on l'a dit, de beaucoup d'offenses, de ruses et de stratagèmes. Mais en réponse, il faisait preuve, rahimahullah, de gentillesse et de douceur. Des personnes qui auparavant l'insultaient, le calomniaient et le critiquaient, venaient s'excuser auprès de lui et il leur disait « J'espère qu'Allah ne fera entrer personne en enfer à cause de moi. » Et il disait aussi, rahimahullah, « Il est inutile de venir s'excuser auprès de moi, car je pardonne à tout le monde. » Et il demandait aux personnes présentes de transmettre ce message de sa part. Il accordait, rahimahullah, une attention particulière à ses élèves. Sa relation avec l'élève ne s'arrêtait pas lorsque le cours s'arrêtait. Il assistait à leurs divers événements. Il demandait après eux. Il faisait en sorte, rahimahullah, de résoudre leurs problèmes familiaux. Il dépensait de son argent et donnait de son temps pour aider les nécessiteux parmi eux. Tout ceci, bien sûr, ne laissait pas ses élèves insensibles face à ce cheikh, rahimahullah. Ils éprouvaient un grand amour pour lui et ont ressenti un immense vide après sa mort. Sa maladie et sa mort, rahimahullah. Il a été éprouvé par une maladie qui l'a cloué au lit pendant à peu près une année. Une année pendant laquelle il a fait preuve, rahimahullah, de patience en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Ses dernières paroles étaient « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Parmi ses élèves, Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullahu ta'ala, qu'Allah le préserve, qui nous raconte sa visite la veille de la mort du Cheikh, rahimahullah. Il dit, je cite, « J'étais chez lui la veille de sa mort. Ils ont menti en disant que Cheikh avait un cancer de la langue. » Regardez les mensonges. Ils ont menti. Qui ont menti? Les gens de l'innovation et de la passion. Ils ont menti en disant que Cheikh avait un cancer de la langue. Par le Seigneur des cieux, il avait une maladie qui a touché son estomac. Je me souviens qu'il lisait beaucoup durant sa maladie. Puis lorsque son état s'est aggravé, et qu'il n'avait plus la possibilité de lire lui-même, il demandait à son fils Ali ou à son fils Abdul Malik de lire. Quand je suis rentré dans sa chambre privée, j'ai vu que les livres dans la science du Coran et autres étaient lus sur lui, rahimahullah. Ses enfants m'ont même avoué qu'ils n'avaient pas l'habitude de lire aussi longtemps. Pendant ces longues heures, lorsque son fils s'arrêtait pour boire, le cheikh lui disait « Lis, lis ». Je l'ai vu ainsi, Cheikh Abdullah al-Bukhari dit, je l'ai vu ainsi quand, la veille de sa mort, rahimahullah. Il n'est resté qu'une seule nuit dans le coma, puis est décédé. Puis il dit, son fils Ali m'a rapporté qu'avant sa mort, le cheikh lui a dit, transmets au mashaykh de donner une immense importance à la aqida et au tawhid. Puis il a fait un signe de son index et s'est évanoui. Il est mort, rahimahullah, le mercredi 26 Sha'ban de l'année 1416, correspondant au mercredi 17 janvier 1996. La prière funéraire a été célébrée sur lui après la prière de Dhuhr dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Un grand nombre de savants, de mashaykh et de juges ont assisté à ses funérailles. Il a été enterré dans le cimetière de Al-Baqi', Baqi' al-Ghardaq, le cimetière de Al-Baqi', se situant à proximité de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Les éloges des savants sur Muhammad Aman al-Jami. Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit dans une lettre, daté de 1418. Combien d'années après sa mort? 2 ans. En parlant de Cheikh Mohamed Aman, il est connu auprès de moi comme une personne de science qui a du mérite, une bonne croyance, actif dans l'appel d'Allah, exalté soit-il, et dans la mise en garde contre les innovations et les idées fausses. Qu'Allah lui pardonne et qu'il le fasse résider dans son large paradis, qu'il préserve sa descendance et qu'il nous réunisse, nous, vous et lui, au paradis. Il a été questionné à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, au sujet de Cheikh Rabi' et de Cheikh Mohamed Aman, et il a répondu à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, concernant les deux honorables cheikhs, Cheikh Mohamed Aman al-Jami et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Tous deux font partie des gens de la Sunna et connus auprès de moi comme ayant de la science, du mérite et une croyance authentique. Puis il dit, je conseille de profiter de leurs livres. Cheikh Omar Fallata rahimahullah, un grand savant de Médine qui était enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il dit, rahimahullah, dans un écrit, dans une lettre qu'il a écrite en 1417, de façon générale, il était, rahimahullah, véridique dans ses paroles et il avait un attachement très fort à la voix des gens de la Sunna. Il avait une volonté très forte. Il appelait à Allah par sa parole et ses actes. Il préservait sa langue. Il était très éloquent et s'énervait lorsque les limites d'Allah étaient outrepassées. Les assises de science qu'il présidait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignent de cela, de même que ses ouvrages et les différents voyages qu'il a entrepris. Je l'ai, quant à moi, accompagné en voyage, et c'était un noble compagnon. Lui-même a accompagné Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullah, l'auteur du livre Adwa'ul Bayan, un livre de tafsir. Et il dit, il était là aussi un noble compagnon de voyage. Et Cheikh Omar Fallata rahimahullah dit, c'est le voyage qui permet d'exposer la réalité d'une personne. Il était véridique dans ses positions et ne rentrait pas dans les polémiques. Si le dalil était avec lui, il le proclamait haut et fort. Et s'il lui apparaissait qu'il était dans l'erreur sur un sujet, il disait l'erreur et revenait dessus. Ceci est le comportement des croyants. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, selon le sens, la seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Puis il dit, rahimahullah, je prends Allah comme témoin, qu'il a énormément apporté, qu'il a apporté un énorme travail pour la religion, rahimahullah, et un énorme travail dans la transmission de la sunna du maître des prophètes et envoyé alayhi salatu wassalam. Il a fait face à beaucoup de mal, beaucoup de ruses et de stratagèmes ont été faits à son encontre, mais il n'a pas faibli, il n'a pas eu peur jusqu'à avoir rencontré Allah. La dernière de ses paroles était « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan rahimah hafidhahullah ta'ala a écrit un article datant de 1418, toujours 2 ans après la mort de Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Il a écrit, hafidhahullah, Cheikh al-Fawzan, un article qu'il a nommé, hamukallah, Cheikh Mohamed Aman comme je l'ai connu. Il dit, hafidhahullah, ceux qui prétendent avoir de la science et ceux qui possèdent des diplômes prisés sont nombreux, mais peu d'entre eux profitent de leur science et en font profiter les autres. Cheikh Mohamed Aman fait partie de cette minorité rarissime de savants qui ont mis à disposition leur science et leurs efforts au service des musulmans en orientant les musulmans avec clairvoyance à travers son enseignement à l'université islamique de Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans ses nombreux voyages à travers différentes contrées islamiques à l'étranger, à travers ses nombreux déplacements à l'intérieur de l'Arabie pour y donner cours et conférences, y appeler au tawhid, y propager la croyance authentique, orienter la jeunesse musulmane vers la voie des pieux prédécesseurs, en mettant en garde contre les fondements destructeurs et les mouvements égareurs. Et celui qui ne le connaît pas personnellement, qu'il apprenne à le connaître à travers ses ouvrages et ses nombreux audios qui contiennent l'essence de ce qu'il possédait comme science infuse et bien abondant, rahimahullah. Il n'a cessé d'œuvrer dans le bien jusqu'à ce qu'il décède. Il a laissé derrière lui une science bénéfique à travers ses élèves et ses ouvrages. Qu'Allah lui accorde une large miséricorde et qu'il lui pardonne et qu'il le récompense grandement pour ce qu'il a enseigné et œuvré. Que la prière et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Dans l'explication de An-Nuniyah, explication de Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il a été questionné concernant Al-Jamiyah. Il a répondu, hafidhahullah, il n'y a pas de groupe appelé Al-Jamiyah. Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous le connaissons faisant partie des gens de la Sunna et qui appelle à Allah, exalté soit-il. Il n'a pas apporté d'innovation ni de choses nouvelles. Cela ressemble à leurs paroles sur Al-Wahhabiyyah lorsqu'il a, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, appelé au Tawhid de vouer un culte exclusif à Allah. Ils ont appelé son appel Al-Wahhabiyyah. Ceci est l'habitude des gens mauvais. Pour conclure, nous ne connaissons sur cet homme que du bien. Par Allah, nous ne connaissons sur lui que le bien. Mais c'est la haine qui pousse certaines personnes et chacun portera le fardeau de ce qu'il dit le jour du jugement. Il a été questionné une autre fois, hafidhahullah ta'ala, la question suivante. Nous aimerions que vous nous disiez à propos des savants de Médine, je veux dire par là ceux qui se prétendent salafis, sont-ils dans la vérité dans leurs agissements? Montrez-nous la vérité au cher sur ce sujet. La réponse du cher, j'aimerais que vous nous épargniez ces choses. Je souhaiterais que vous arrêtiez de cibler Médine, cibler un tel et un tel. Les gens de Médine, comme tu les nommes, je ne connais d'eux que du bien. Ce sont des étudiants en sciences religieuses qui veulent montrer aux gens les erreurs qu'ont commis certains écrivains ou certaines personnes dans le but de conseiller les gens et ils n'ont menti sur personne. Ils rapportent les propos à la lettre en indiquant le volume, la page et la ligne. Revenez à ce qu'ils ont rapporté. S'ils mentent, alors montrez-nous cela. Qu'Allah vous récompense. Nous n'acceptons pas le mensonge. Retournez à leurs livres et réfutez-les. Apportez une seule parole qu'ils auraient rapportée et qui est mensongère et je vous suivrai dans cela. Par contre, de dire aux gens, taisez-vous, laissez le faux, n'y répondez pas, ne divulguez pas telle chose, cela n'est pas correct. Cela revient à cacher. Et Allah Azzawajal dit, Allah, prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement, exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. Et il dit, Azzawajal, selon le sens, certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Puis il dit, hafidhahullah, nous voyons les erreurs, nous voyons les colportations mensongères et nous nous taisons en laissant les gens croire cela. Non, cela n'est absolument pas autorisé. Nous devons montrer la différence entre le vrai et le faux, n'en déplaise à certains. Cheikh Mohammed al-Soubaï, rahimahullah, l'imam de la Mecque qui est décédé, rahimahullah ta'ala, Cheikh Mohammed al-Soubaï, rahimahullah, a dit, Cheikh Mohammed Aman et Cheikh Rabi' appellent à la sunna, à s'accrocher à la sunna, mais ne parlent sur eux qu'une personne suivant ses passions. La majorité de ceux qui parlent sur eux sont des personnes faisant partie d'un groupe sectaire. Ils, en parlant de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami rahimahullah et de Cheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali hafidhahullah, condamnent ces choses, c'est-à-dire condamnent le sectarisme. Quant à ces deux Cheikhs, ils sont connus pour s'attacher à la Sunna, leur croyance est salafia et ils font partie des meilleures personnes. Tous ces savants ne sont pas revenus sur ces belles et éloquentes éloges, comme le prétendent certains innovateurs. Qu'ils en apportent la preuve s'ils sont véridiques. Il est connu, par exemple, que Cheikh Mohamed Aman est décédé avant Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et nous avons lu sur vous les éloges de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, sur l'éminent savant Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah ta'ala. La gravité des paroles de se dénommer Ahmed Mikhtar. Il dit, dans la première vidéo que vous avez entendue, non pas comme certains qui agissent contre cette communauté, pour la diviser, la réduire et pour l'affaiblir. C'est toujours et malheureusement le même refrain qui est répété par les gens de l'innovation contre les salafis. Les salafis divisent les musulmans. Les salafis sèment la zizanie entre eux, etc., etc. Nous avons déjà répondu à cette ambiguïté à plusieurs reprises. Et je dis de façon brève que tout d'abord, la communauté musulmane est-elle unie pour que les salafis soient venus la diviser ? La communauté musulmane est-elle unie ? Oui ou non ? Pourquoi taxer les salafis de diviseurs et de semeurs de troubles ? Ensuite, parmi les noms du Coran, il y a Al-Furqan, qui est le discernement. Parmi les noms du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a Al-Mufarriq, celui qui divise. Il n'y a donc aucun mal à séparer entre le vrai et le faux. Il n'y a aucun mal à séparer entre le bien et le mal. Si les salafis œuvrent dans ce sens, ils n'ont emprunté dans cela que la voie des prophètes et envoyés d'Allah alayhim salat wa salam. Et ceux qui veulent plus de détails, qu'ils reviennent à la conférence que j'ai donnée, qui est intitulée « Voici la salafia » et qui est disponible sur le site lavoiedroite.com. Puis ce dénommé Ahmed Mikhtar dit, comme certains pseudo-ulama liés à la secte de Al-Jamiya qui a eu une naissance en 1983 en Arabie Saoudite. Je dis tout d'abord, remarquez comment étrangement il se met à critiquer et à dénigrer les savants de la Sunna. Lui qui reproche aux salafis de critiquer, fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Et je dis qu'étrangement, il n'applique pas la soi-disant règle en or, que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a qualifié de règle en bois, instauré par le fondateur de son mouvement, le mouvement des frères musulmans, fondé par Hassan al-Banna, un mouvement dont se revendique ouvertement ce dénommé Ahmed Mikhtar. Cette règle qui dit « Entraidons-nous sur ce dont nous sommes d'accord et excusons-nous les uns les autres sur nos désaccords. » Effectivement, les frères musulmans dont se revendique Ahmed Mikhtar trouvent des excuses aux gens du livre. Bien plus encore, comme l'a fait leur tête pensante actuelle, Youssouf Al-Qardawi, qui dit, et je le cite, « Nous ne pouvons qu'invoquer Allah, exalté soit-il, pour qu'il le fasse entrer dans sa miséricorde et de le récompenser proportionnellement au bien qu'il a apporté à l'humanité et aux actes vertueux et bonnes traces qu'il a laissées derrière lui. À votre avis, Youssouf al-Qardaoui, lorsqu'il a dit ces paroles, il parlait de qui? Non. Il parlait du pape Jean-Paul II. Il ne parlait pas de Hassan al-Banna, mais bel et bien du pape Jean-Paul II après sa mort, et ceci en direct dans la chaîne Al Jazeera, et la vidéo est toujours disponible jusqu'à nos jours. Il demande à Allah Azza wa Jal de faire rentrer la tête de la mécréance à son époque, Jean-Paul II, dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ce même Ahmed Mikhtar, qui suit la méthodologie des frères musulmans, vu qu'il en fait partie, il dit, je cite, dans sa page Facebook, et c'est toujours disponible jusqu'à nos jours, « Comme leurs frères chrétiens et juifs, les musulmans doivent comprendre que la bonne éducation de leurs enfants doit passer impérativement par les écoles privées musulmanes. » Leurs frères chrétiens et juifs. Allah Azza wa Jal dit, « Ya ayyuha alladhina amanu la tatawallaw qawman radiballahu alayhim. » Ô vous qui avez cru, ne soyez pas les alliés d'un peuple dont Allah est courroucé. Comment les juifs et les chrétiens peuvent-ils être nos frères? Ils ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Ils associent à Allah autre que lui. Les frères musulmans trouvent des excuses aux Rawafid qui insultent Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Ils trouvent des excuses aux soufis dont Ahmed Mikhtar se revendique suivant ce courant. Ils trouvent des excuses aux tabliri, etc., etc. Par contre, lorsqu'il s'agit des salafis, lorsqu'il s'agit des savants salafis, il n'y a plus de règles, ni en or, ni en bois. Tous les coups sont permis, tous les moyens sont licites. Pourquoi? Car les savants salafis, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, sont les seuls à dévoiler et à condamner le mouvement des frères musulmans. Ce sont les seuls à démontrer à quel point les frères musulmans sont dangereux pour la communauté musulmane. Et si je devais me contenter de citer les dégâts des frères musulmans qu'ils ont causés et qu'ils causent encore, ne serait-ce qu'en France, la liste serait longue. Les frères musulmans qui appellent à adopter la croyance ash'arite, qui est une croyance contraire à la croyance des pieux prédécesseurs, comme l'ont démontré à maintes et maintes reprises les savants de la Sunna. Parmi ceux-là, toujours se dénommait Ahmed Mikhtar, qui appelle ouvertement à adopter la croyance ash'arite. Il dit, dans un de ses discours, et je dis à ces personnes-là, est-ce que vous êtes de dogme ash'arite? Il va te dire non, notre croyance est salafia. Savez-vous que la aqida ash'ariya, c'est la aqida de la majorité des musulmans? Alors à chaque fois que l'on se bat sur la majorité, basons-nous sur la base elle-même de la aqida, sur la majorité. Et soyons tous ash'arites. Et al-ash'a'ira font partie des gens de la sunna, walhamdulillah. Je lui réponds, pauvre de toi, depuis quand nous basons-nous sur la majorité? Depuis quand les musulmans basent leur croyance sur la majorité? Allah Azza wa Jal ne dit-il pas, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils te dévieront du chemin d'Allah. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Mais la plupart des gens ne savent pas, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Je vous invite à écouter la conférence intitulée Al-Asha'ira ne font pas partie des gens de la Sunna, une conférence qui est disponible toujours sur notre site lavoiedroite.com. Cette majorité, voilà ce qui intéresse les frères musulmans, réunir le plus de monde possible autour d'eux, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur pensée, quelle que soit leur méthodologie. Leur but ultime étant d'atteindre le pouvoir. Et pour y accéder politiquement, ils ont besoin d'un maximum de personnes pour les soutenir. Et pour avoir un maximum de personnes avec soi, il faut dire à chacun ce qu'il aime entendre. Et en bientôt un siècle d'existence, les frères musulmans n'ont jamais rien obtenu. Et tout ce qu'ils ont entrepris s'est toujours soldé par des échecs. Et les derniers événements qui ont eu lieu en Égypte récemment en sont la preuve la plus parlante. Allah Azza wa Jal dit, In tansurullaha yansurkum. Si vous donnez victoire à Allah, Allah vous donnera victoire. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Ces mêmes frères musulmans qui poussent les musulmans à contracter des prêts bancaires, car quand ils seront vieux, leur retraite ne leur permettra pas de payer un loyer, comme a osé le dire l'une de leurs références, Hassan Iqiyousen, qui auparavant était l'un des rares à faire preuve de retenue sur le sujet des intérêts bancaires. Mais récemment, il s'est lâché et a dit aux jeunes, allez-y, foncez. Allez-y, foncez où ? À la banque, pour faire un emprunt bancaire, pour vous acheter votre maison. Car si vous ne le faites pas, vous le regretterez dans 30 ans. Quelle est sa preuve ? Dans 30 ans, tu seras à la retraite, tu seras tout seul chez toi, et ce que tu toucheras ne te permettra pas de payer ton loyer, de subvenir à tes besoins, et à ce moment-là, tu te mordras les doigts de ne pas avoir acheté une maison. Les frères musulmans minimisent l'importance du voile et incitent les femmes à ne pas le porter, que ce soit à l'école ou au travail. Et les exemples se comptent par dizaines. Pire encore, et ouvrez bien vos oreilles, pire encore, écoutez ce que dit le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui est l'un des plus fervents frères musulmans de France, appelé Tariq Oubrou. Il dit, dans un entretien qui est disponible sur Internet, une partie des Hanafites considère d'ailleurs que les cheveux ne font pas partie des parties intimes de la femme qui doivent être recouvertes. Il faut cesser de faire culpabiliser ces jeunes femmes. Puis il dit un peu plus loin, les jeunes femmes qui le portent estiment le faire par liberté de choix. C'est faux. Elles le portent parce qu'on leur a dit que Dieu leur a demandé de le porter. Et écoutez bien, c'est de l'arnaque et de la malhonnêteté. Wal'iyadu billah. Et il conclut en disant, mais il faut dire les choses. Il n'y a aucun hadith, ni verset, qui mette en garde la femme contre le fait de montrer ses cheveux. Wal'iyadu billah. L'obligation du voile, qui fait l'objet de l'unanimité des salafs et des khalafs, tous les savants de l'islam sont unanimes sur l'obligation du voile pour la femme musulmane. C'est même un sujet considéré comme amrun ma'lumun min ad-din bid-darura, des sujets connus de tous les musulmans comme étant obligatoires et que nul n'est censé ignorer, comme l'obligation de la prière, l'obligation de la zakat, l'interdiction de boire l'alcool, l'interdiction de consommer la viande de porc. Ce sont des choses que tous les musulmans connaissent. Ils en connaissent l'obligation ou l'interdiction. Il en est de même pour le voile. Comment oser remettre en cause ou faire douter les musulmans de cet emblème de l'islam? On continue? Est-ce que vous avez vu ce qu'est devenu le salon du Bourget? Oui ou non? Je ne pense pas. Le soi-disant plus grand rassemblement des musulmans en Europe. Je vais vous résumer ce que ce salon est devenu. C'est devenu un meeting politique la journée et un concert de musique la soirée. Meeting politique avec le pupitre, avec les sujets politiques. Il ne manque plus qu'à changer l'étiquette et à mettre dessus UMP ou PS ou FN ou je ne sais quoi. Et quand, au concert de musique, la soirée, Wallahi al-Azim, je ne l'ai cru que lorsque je l'ai vu de mes propres yeux. Wallahi al-Azim, mes frères et sœurs, demandez à Allah Azza wa Jal de vous préserver de l'égarement. Je ne l'ai cru que lorsque je l'ai vu de mes propres yeux, bien sûr, en ayant pris la peine de couper le son avant. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Vous savez ce que c'est qu'un concert? Avec des groupes de chanteurs, avec les synthétiseurs, qui produisent toutes formes et toutes sortes de bruits musicaux. Oubliez la guitare, oubliez le violon, tout ça c'est révolu cette époque. Les projecteurs lumineux de toutes couleurs, le public, hommes et femmes mélangés, des femmes avec hijab, des femmes sans hijab, des hommes avec barbe, avec khamis, sans khamis. Le tout mélangé et les bras qui se lèvent. Et ça s'agite dans tous les sens. Et la musique à fond. Wal'iyadhu billah. Et vous voyez, dans cette image de désolement, des drapeaux de la Palestine qui sont levés et secoués. Billahi alaykum. Est-ce que c'est en faisant cela que Allah Azza wa Jal va accorder une issue à nos frères palestiniens? Est-ce en lui désobéissant, subhanahu wa ta'ala? Au contraire, en faisant cela, ils sont peut-être une cause pour qu'Allah Azza wa Jal ne lève pas les souffrances de nos frères et sœurs palestiniens qu'Allah leur facilite. In tansurullaha yansurkum. Si vous donnez victoire à Allah, Allah vous donnera victoire. Est-ce qu'on donne victoire à Allah Azza wa Jal en assistant à un concert de musique? Les hommes et les femmes mélangés, presque en train de danser, wal'iyadhu billah. Et vous ne savez pas la suite. C'est que dans ces soirées, vous avez même du rap au menu maintenant. Wal'iyadhu billah. Des rappeurs qui viennent chanter. Wal'iyadhu billah. Regardez comment ces personnes pervertissent les musulmans, wal'iyadhu billah. Et le pire, c'est qu'ils font tout cela au nom de l'islam. Revenons à ce dénommé Ahmed Mikhtar, qui annonce que comme certains pseudo-ulama liés à la secte del Jamia qui a eu une naissance en 1983. Ceci est un mensonge. Et cela prouve que cet individu ne sait pas de quoi il parle. On a dit que les gens de l'innovation ont inventé ce terme al-Jamia quand? Lors de la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe, elle a eu lieu quand? En 91. Cet individu a donc menti en parlant d'une secte al-Jamia qui tout d'abord n'existe pas et qui cite, qui plus est, des dates fausses. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit « Kafa bil mar'i kathiban an yuhaditha bi kulli ma sami'a » Il suffit à une personne pour mentir de rapporter tout ce qu'elle entend. Par contre, je confirme à ce Ahmed Mikhtar que l'année 1983, c'est bel et bien l'année dans laquelle l'UOIF a été créé. Ce même UOIF qui a causé des dégâts catastrophiques dans la communauté musulmane de France, comme j'ai pu vous donner certains exemples qui ne sont bien sûr pas exhaustifs. Que dit-il par la suite ? Comme certains pseudo-ulama liés à la secte d'Al-Jamia qui a eu naissance en 1983 en Arabie Saoudite, par Al-Jami, la'natullahi alayhi, a'oudhu billah. A'oudhu billah min ad-dalal. Le sens de la malédiction, c'est d'être expulsé et d'éloigné, et d'être éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Maudire fait partie des grands péchés, car il y a une offense envers celui qui l'a maudit. Dans le hadith d'Abu Khilaba radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ » Celui qui maudit un croyant revient à l'avoir tué. Il est donc extrêmement dangereux de maudire ne serait-ce qu'une chose en particulier. Dans le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien ce hadith. Un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan et jugé bon par Sheikh l'Albani rahimahullah ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un serviteur maudit une chose, la malédiction monte aux cieux. Les portes du ciel se ferment alors devant elle. Puis la malédiction redescend sur terre et trouve ses portes fermées, les portes de la terre. Elle se dirige alors à droite et à gauche, jusqu'à ne plus trouver d'issue. Elle se dirige alors vers celui qui a été maudit, pour voir s'il le mérite. Sinon, elle retourne à celui qui l'a prononcé. Regardez, subhanallah, le voyage que fait la malédiction lorsqu'elle est prononcée, le voyage qu'elle fait dans les cieux et dans la terre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith de Muslim, les maudisseurs ne seront ni des témoins, ni des intercesseurs le jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous interdit de nous maudire. Ne vous maudissez pas, ni par la malédiction d'Allah, ni par sa colère, ni par le feu de l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a nié cette caractéristique de maudire chez le croyant. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que le croyant n'est pas un critiqueur, ni un maudisseur, ni un vulgaire, ni un oppresseur. C'est pour cela, notamment, que l'islam nous interdit de maudire le vent. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne maudis pas le vent, car il est commandé. Par qui ? Par Allah, azza wa jal. Et celui qui maudit une chose qui ne le mérite pas, celle-ci retourne chez le maudisseur. Même si tu maudis une chose, un animal autre, sachez que maudire celui qui nous contredit, innover dans les formules d'insultes et de dénigrement sur les gens de la sunna est un emblème des gens de l'innovation. Quant aux gens de la sunna, walhamdulillah, leurs langues sont saines face à l'opposant. Ils répondent avec arguments et preuves et ils ne passent pas leur temps à insulter et dénigrer car ils suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis à ce Ahmed Mikhtar, tu as maudit un grand savant de l'islam. Tu as plongé ta personne dans un gouffre immense et périlleux. Repens-toi à Allah, ton Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Puis il dit, dans ses paroles, comme je l'ai dit, aussi purulentes que nauséabondes, et qui a poussé à faire rentrer l'ennemi américain dans cette terre pour diviser les musulmans et déclencher la première guerre du Golfe. Cheikh Salih al-Suhaymi, hafidhahullah, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le responsable des prêcheurs de Médine, qui est l'un des élèves de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah. Cheikh Saleh al-Suhaimi, après avoir cité une brève biographie de son cheikh, et après avoir loué ses qualités, il dit « Hafidhahullah ». Puis, en 1411, lorsque le Koweït a été attaqué, sa position, rahimahullah, la position de qui ? De Cheikh Mohamed Aman al-Jami, était la même que les savants d'Arabie, à savoir soutenir les dirigeants de l'Arabie et du Koweït pour repousser cette oppression par tous les moyens licites. L'oppression de qui ? De Saddam Hussein. Il s'est positionné, rahimahullah, avec les savants pour soutenir les actions adoptées par les autorités saoudiennes, notamment de solliciter l'aide de forces alliées. Il a excellé dans cela, rahimahullah, comme cela a été le cas de nos autres savants. Pendant ces événements, est apparu un groupe qui ont commencé à utiliser le terme « Jamia » en 1412, à cause d'une lettre écrite par Mohamed Sourour, qui s'est propagée et dans laquelle il a forgé des mensonges sur Cheikh Mohamed Aman, s'en sont emparés les sectaires et tous ceux qui contredisent la voix des salafs pour nuire au cheikh. Les bonnes actions du cheikh ne font qu'augmenter suite à ses offenses. Ne parle sur lui et sur nos savants, les savants de la sunna, qu'un malade du cœur, faible d'esprit et éloigné de la voie des salafs. Et écoutez la parole de Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignant également à l'université islamique de Médine. Il dit, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, j'ai vu en lui une piété étonnante et une crainte de son Seigneur. Il éduquait d'une façon extraordinaire durant ses cours. Il interdisait aux élèves d'entrer dans des sujets qui ne sont pas les leurs. Il conseillait beaucoup tous ceux qu'il rencontrait. C'était un homme de tawhid. Il parlait sans cesse du tawhid. Il appelait à rester avec le groupe des musulmans et leur gouverneur, comme nous l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel hadith ? Ilzam jama'at al-muslimina wa imamahum. Puis il dit, hafidhahullah, puis lorsque le Koweït a été attaqué, cette fitna qui a dévoilé beaucoup de pensées enfouies, certaines personnes se sont opposées au gouverneur en Arabie Saoudite. Lorsque les autorités saoudiennes ont demandé l'aide des forces étrangères afin de lever l'oppression dont étaient victimes le Koweït et ses habitants, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, ainsi que ses frères parmi les mashayikh, ont démontré que cette demande d'aide était autorisée, légiférée, et que c'était tout simplement la vérité. Ils ont répondu également à ces faibles d'esprit qui envoyaient des cassettes audio aux soldats saoudiens afin qu'ils s'abstiennent de secourir leurs frères koweïtiens. Ceci a bien évidemment dérangé un certain nombre de personnes et Allah a souhaité que la récompense du cheikh perdure après sa mort lorsque des personnes qui ne le connaissent absolument pas le critiquent, l'insultent et lui attribuent des choses dont il est innocent. Et le cheikh dit vrai dans cette parole. Et l'exemple le plus parlant aujourd'hui est ce dénommé Ahmed Mikhtar. Au point que ces personnes qualifient tous ceux qui appellent à l'écoute et à l'obéissance du gouverneur musulman, tant que cela ne comporte pas de désobéissance à Allah, ils le qualifient de Jami. C'est même devenu une menace. Si tu n'es pas d'accord avec nous, alors nous te traiterons de Jami. Par Allah, d'être affilié à Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, n'est pas une insulte. Au contraire, c'est par Allah une chose noble de par l'attention particulière qu'il apportait, rahimahullah, au tawhid et à la sunna. Par Allah, je n'ai jamais entendu de lui, ni dans un cours, ni dans un audio, une chose qui contredirait ce sur quoi sont nos savants parmi les pieux prédécesseurs jusqu'à aujourd'hui. Une fois, J'ai dit à l'un d'entre eux, apporte-moi, ne serait-ce qu'une phrase, en rapport avec un fondement de la religion, dans laquelle Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, contredirait la parole des savants de la Sunna, anciens comme contemporains, par Allah, nous ne connaissons pas cela de lui. Mais les passions rendent aveugles et rendent sourds. Et il est étonnant de voir des personnes qui font les éloges de certains qui se prétendent prédicateurs et qui ne le sont pas tous, qui ont des déviances dans la croyance, des déviances dans la Sunna, yarhamukallah, mais se permettent de critiquer Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, malgré qu'ils ne connaissent de lui ne serait-ce qu'une seule déviance. Ils se contentent de suivre les gens du faux qui attribuent cela au Cheikh, rahimahullah. Je dis à ce Ahmed Mikhtar, ne crains-tu pas ton Seigneur? N'as-tu pas honte de mentir sur ce noble savant, Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, et prétendre qu'il a divisé les musulmans et qu'il a déclenché la première guerre du Golfe? As-tu lu ou écouté les arguments apportés par le Cheikh, rahimahullah, pour justifier la demande d'aide des forces étrangères non musulmanes contre l'invasion du Koweït par Saddam Hussein? Si tu l'avais fait, tu aurais su qu'il y avait plusieurs hadiths à ce sujet. Si tu l'avais fait, si tu avais pris la peine d'écouter et de lire et d'apprendre les arguments qu'a apporté le Cheikh, rahimahullah, tu aurais su que c'est un sujet de fiqh que les savants de l'islam ont traité à l'époque des quatre imams déjà. Si tu l'avais fait, tu aurais su que c'est un sujet de divergence entre les gens de la Sunna. Si tu avais écouté la réponse de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, car à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, était de l'avis qu'il n'était pas autorisé de demander l'aide des armées étrangères non musulmanes. Et c'était une divergence à cette époque entre Cheikh Al-Albani et les savants d'Arabie, parmi eux Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah. Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, a fait une réponse dans laquelle il répond à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Je dis donc à ce Ahmed Mikhtar, si tu avais écouté la réponse de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, tu aurais appris ce qu'est la science. Tu aurais appris grandeur nature, ce que signifie le respect des savants, ce que signifie montrer la vérité à laquelle on croit, tout en préservant la valeur et le mérite du grand savant qui nous contredit. Lorsque Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, a dit aux personnes présentes lors de sa réponse, je réponds au grand muhaddith, Cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani, ne pensez pas que vous le connaissez mieux que moi. Ne pensez pas que parce que je lui réponds, vous l'aimez plus que moi. L'amour que je lui porte est bien plus grand que celui que vous lui portez, car je le connais mieux que vous. Je l'ai côtoyé lorsque nous étions tous deux professeurs à l'Université islamique de Médine. Si tu avais écouté cette réponse, ô Ahmed Mikhtar, tu aurais cessé de te réduire à un perroquet et tu aurais vu comment les savants salafis sont humbles et de quelle manière ils enseignent aux musulmans et aux jeunes en particulier que c'est le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam que nous suivons et que cela précède l'avis des savants, quels qu'ils soient. Puis je dis à ce Ahmed Mikhtar, pourquoi cet acharnement sur Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah? Ne sais-tu pas que le mufti de l'Arabie Saoudite à l'époque était Cheikh Ibn Baz, rahimahullah? N'as-tu pas lu la fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans laquelle il justifie et défend la sollicitation des forces étrangères non musulmanes pour combattre l'offenseur irakien? Que dis-tu désormais de Cheikh Ibn Baz? Et que dis-tu de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui lui aussi était du même avis? Que dis-tu de Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui est encore vivant aujourd'hui? Je sais pertinemment que derrière Al-Jamia, tu vises tous ces savants. Pourquoi alors fais-tu semblant de montrer du respect à l'égard de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ?